Vieillissement et immortalité, partie 2 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Ce qui fait que le corps physique de l'être humain se met à vieillir, c'est tout simplement le fait qui est programmé au niveau génétique pour vieillir. Par contre, éventuellement, si le corps humain subit une mutation, c'est-à-dire un changement dans sa manière d'être et une reprogrammation au niveau cellulaire de par l'influence de l'énergie qui provient du plan mental, eh bien, à ce moment-là, il est possible que le corps physique vieillisse plus lentement et qu'il puisse éventuellement même arrêter de vieillir. Mais pour que cela arrive, il faut que le corps physique soit investi d'une vibration mentale qui soit suffisamment élevée pour altérer chacune des cellules du corps physique. Et ça, c'est en relation avec le processus de la fusion. Bien entendu, de vivre une communication télépathique avec l'esprit, d'être capable de discuter avec lui, de poser des questions et de recevoir des réponses, donc être capable de gérer la pensée qui vient dans la psyché, peut aider à intégrer son énergie sur une base embryonnaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que parce que l'individu est capable de discuter d'une manière télépathique avec l'esprit, qu'il va être capable de mettre fin au processus de vieillissement au niveau physique. Parce que ça demande une intégration très grande d'énergie. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu ne peut pas décider au niveau égoïque du jour au lendemain de dire « bon, je vais arrêter de vieillir comme ça ». Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une affaire de volonté simple. Il faut qu'à quelque part, l'individu qui désire arrêter de vieillir réalise qu'à quelque part, si c'est un désir, c'est qu'il est sous l'influence d'une entité qui lui suggère l'idée qu'il veut arrêter de vieillir, parce que à ce moment-là, cette entité-là va amener une croyance ou une idée qui est en relation avec l'orgueil de l'individu. Donc, si un individu est orgueilleux, c'est sûr qu'il va trouver flatteur l'idée de devenir immortel, l'idée qu'à quelque part, il doit arrêter de vieillir parce qu'il est beau, il est grand et il mérite de connaître l'immortalité dans un corps physique. C'est sûr que si l'individu est orgueilleux, il peut être flatté par la croyance qu'il peut être utile de connaître un état d'immortalisation sur le plan physique, alors que si l'individu est en contact avec l'esprit, bien, l'esprit peut lui dire que c'est une entité astrale qui cherche à lui faire miroiter la croyance qu'il doit arriver à l'immortalité pour le garder occupé et le faire réfléchir en ce sens, alors que le corps physique est en relation avec des lois d'énergie qui sont supportées par le plan mental. Et pour que le corps physique soit altéré dans sa programmation au niveau cellulaire, il faut qu'il y ait l'intervention de l'esprit. Et sans intervention de l'esprit, l'individu peut passer des heures et des heures à répéter à voix haute qu'il veut être immortel, qu'il veut arrêter de vieillir, qu'il veut arrêter de souffrir et qu'il veut freiner le processus du vieillissement. Et ça ne servira absolument à rien, étant donné qu'à ce moment-là, la volonté n'est pas supportée par l'énergie de l'esprit, mais elle n'est que l'expression d'un désir égoïque en relation avec des idées qui sont interceptées du plan astral, qui cherchent à garder l'individu dans un désir de connaître l'immortalité, mais le plan astral n'a pas la capacité de permettre à l'individu d'avoir un corps physique qui est immortel et de maintenir cette condition dans un long terme, et de permettre aussi à l'individu d'accéder à une conscience qui va lui permettre de vivre intelligemment cette immortalité, bien entendu. Donc, autrement dit, par rapport à la question du vieillissement, c'est que au niveau cellulaire, la programmation qui est faite du corps vise, à travers le processus du vieillissement, à quelque part amener l'ego à ne pas être statique. Donc, autrement dit, si l'ego réalise qu'à quelque part son corps a une finitude, ben, dans certains cas, ça le force à modifier ses comportements ou à agir avec plus d'intelligence parce que quelque part, il doit réaliser que la vie est précieuse et que quelque part, il doit s'ajuster au changement en lien avec son corps. Donc, autrement dit, l'ego qui est en puissance alors qu'il est jeune, donc la personne qui a 20 ans et se croit capable de tout faire, eh bien, à quelque part, à travers le fait que le corps physique se dégrade et que c'est en dehors de sa volonté égoïque. Donc, autrement dit, la personne vieillit et à un moment donné, elle n'est plus capable de faire du ski ou faire des sports extrêmes comme elle en faisait plus jeune, à mesure que le temps passe. Ça l'amène à vivre un processus de deuil qu'elle n'a pas nécessairement choisi, qui fait en sorte qu'à ce moment-là, l'ego réalise qu'il ne contrôle pas tout par rapport à sa vie. Et ça peut l'amener à être un peu moins orgueilleux que s'il aurait la possibilité, en fonction d'un désir qu'il manifeste en lui, de devenir du jour au lendemain immortel. Et surtout, s'il devient immortel avec une conscience qui est immature au niveau de son développement, ça pourrait occasionner de grands ravages. Imaginez, pendant un seul instant, un terroriste qui viserait à implanter des croyances radicales, qui voudrait amener à convertir l'humanité à une religion fanatisée. Si cette personne-là aurait accès à l'immortalité physique, tout ce qu'elle pourrait accomplir en tant qu'action, en relation avec l'idéologie fanatisée qu'elle vise à diffuser et à imposer à l'ensemble de l'humanité, parce que dans son immaturité psychologique, elle croit faire le bien en agissant ainsi. Donc, autrement dit, l'accès à l'immortalité physique à un être qui n'a pas la maturité psychique pourrait être extrêmement destructeur pour l'humanité en général. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si l'esprit a la potentialité de manifester une énergie à travers l'individu qui peut ralentir, voire même arrêter son vieillissement, ce qu'il faut réaliser, c'est que s'il manifeste cette énergie-là, ce n'est pas dans le but de faire de l'individu une créature de cirque. L'esprit en tant que tel n'a pas le goût de prendre un individu et d'en faire une vedette dans les médias ou de nourrir son orgueil. Donc, si l'individu est orgueilleux et il est rendu immortel, il va être très vaniteux. Donc, il peut se prendre pour un autre, donc quelqu'un qui aurait accès à une immortalité au niveau physique, alors qu'il se croit intelligent, il se croit beau, il se croit fin, bien, ça augmente ce sentiment de puissance de l'ego. Donc, l'esprit ne veut pas ça. Et aussi, l'esprit, lorsqu'il est en contact avec un individu, et un individu aussi s'incarne dans la matière, c'est en relation avec un agenda. Donc, autrement dit, qui ne devient pas immortel qu'il le veut au niveau physique? Concernant l'immortalité, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le désir de l'ego qui rend un individu immortel et qu'à quelque part, c'est en relation avec le contact avec l'énergie mentale. Et c'est pas parce que quelqu'un est en contact avec l'énergie mentale que ça veut dire pour autant, alors qu'il a à peine entamé une communication télépathique avec l'esprit qui va devenir immortel pour autant ou ralentir le processus de vieillissement parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre la fusion et qui vont vivre moins longtemps que d'autres qui sont inconscients et qui ne vivent pas ce processus. Et la durée de vie d'un individu est en relation avec son plan de vie. Donc l'individu doit réaliser que son existence est en relation avec une programmation, avec un plan de vie. Et pour en comprendre les rouages, eh bien, il doit discuter d'une manière télépathique avec l'esprit. Sinon, pour ce qui est de ralentir le processus du vieillissement à travers l'exercice de l'ego, ça peut être possible. Quelqu'un qui fait de l'activité physique régulièrement, qui s'alimente bien, que ce soit de prendre des oméga-3, des antioxydants, qui ait des bonnes habitudes de vie, qui arrête de fumer la cigarette, qui arrête de boire de l'alcool, ensuite qui diminue l'alimentation, qui comporte des sucres, l'alimentation industrialisée, l'alimentation avec des produits chimiques et qu'il se concentre plutôt à manger de l'alimentation avec le moins possible de modifications industrielles et d'ajouts, bien, c'est sûr que ça peut l'aider à ralentir le processus de vieillissement. Par contre, ce n'est pas nécessairement une garantie. Et ça peut être extrêmement contrariant pour l'ego, dans le sens que quelqu'un peut être extrêmement précautionneux. La personne peut arrêter de manger des gâteaux qui sont produits industriellement sur une chaîne de montage comportant une quantité considérable de sucre qui peuvent favoriser l'apparition de certaines maladies. C'est consommé en grande quantité, même chose par rapport au gras, la viande rouge en grande quantité. Donc, il peut prendre beaucoup de précautions pour diminuer la consommation de certaines nourritures qui peuvent être nuisibles pour la santé. Il peut faire de grands efforts avec son ego en vue de ralentir le processus de vieillissement. Par contre, si l'individu n'est pas conscient que sa vie n'est pas gérée totalement par son ego, ben, à ce moment-là, l'individu peut être confronté à une grande déception, en ce sens qu'il peut vivre un accident qu'il n'aura pas choisi, qui va raccourcir sa durée de vie et qui va faire qu'il va en sorte qu'il va vivre moins longtemps, même s'il a pris toutes sortes de précautions au niveau alimentaire, au niveau physique, au niveau de faire des placements au niveau financier pour favoriser une longévité. Alors qu'un autre individu peut être plus négligent par rapport à ces aspects, mais vivre plus longtemps. Donc, la durée de vie est en relation avec le destin de l'individu, et le destin de l'individu est en relation avec la manifestation de l'intelligence créative à travers lui. Donc, autrement dit, l'individu est capable de vivre en harmonie avec l'esprit pour comprendre sa destinée, la raison pour laquelle il est sur Terre et sa programmation, et agir en conséquence par la suite. Sinon, concernant le vieillissement, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes à dire, parce que c'est le fait de réfléchir constamment, le fait d'intellectualiser, le fait d'analyser, le fait de ressentir des émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, qui gruge beaucoup d'énergie vitale. Donc, c'est sûr que ce qui accélère le processus de vieillissement, c'est le vécu d'émotions, c'est le vécu de relations psychiques avec le plan astral qui achemine à travers des courants de pensée, des idées, des états émotionnels ou des états de réflexion qui vont gaspiller l'énergie vitale de l'individu. Alors que si l'individu est capable de ne pas nourrir ses idées de par son énergie, et être capable d'être stable dans le mental, être stable dans l'intellect, ne plus ressentir inutilement les émotions, bien à ce moment-là, il peut augmenter sa durée de vie et sa qualité de vie et ralentir le processus du vieillissement qui est occasionné par une usure prématurée de son corps physique en relation avec le vécu d'émotions. Donc, c'est sûr que l'individu qui se conscientise peut réaliser cela. Mais il peut réaliser aussi en même temps que quelque part, il doit accepter qu'il ne contrôle pas toute sa vie et que même s'il est capable d'apporter des correctifs intelligents dans sa vie, cela n'est nullement une garantie qu'il va ralentir le processus de son vieillissement sur le plan physique. D'ailleurs, à cet effet, il peut y avoir des gens extrêmement conscients qui vont vieillir comme tout le monde sur le plan physique, mais ça n'enlève à rien à la communication télépathique qui vit avec le plan de l'esprit parce que c'est au niveau de l'énergie. À l'égard du processus de vieillissement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour bien le vivre, il faut être capable de se détacher de la forme. Donc, plus qu'un individu apporte de l'importance à la forme, plus que la personne est orgueilleuse, c'est sûr que si la personne était très populaire à cause qu'elle a une belle apparence, de voir son apparence changer au fil des ans, lié au processus naturel de vieillissement, ben, ça peut la contrarier en tant qu'ego. Parce que l'ego, si l'ego se définit à travers l'apparence du corps physique, fondamentalement et que le corps change, il vit de la frustration parce qu'il subit alors le processus du vieillissement du corps physique qu'il n'a pas choisi. Alors que si l'ego se définit à travers sa relation avec l'esprit et se conçoit comme étant un corps d'énergie mentale, c'est-à-dire une structure énergétique autonome en relation avec une vibration mentale, bien à ce moment-là, que le corps change ou non au fil des ans, que la peau change, qu'il y a des cheveux blancs qui apparaissent et que la force physique soit moins grande, que les muscles deviennent plus flasques, bien à ce moment-là, ça ne le fait pas souffrir autant que s'il serait totalement identifié au corps physique. Donc, si l'individu est capable de se détacher de la forme, il va vivre beaucoup plus aisément le processus de vieillissement en réalisant qu'à quelque part, il continue d'exister au-delà de la forme et que sa vie ne se limite pas à la forme physique. Autrement dit, qu'un individu qui est en contact avec l'énergie mentale, eh bien, s'il s'harmonise à cette énergie qui est immortelle, eh bien, son existence va perdurer au-delà de la forme physique, en ce sens que sa conscience va continuer d'exister comme étant une structure énergétique de nature autonome en relation avec l'énergie mentale qu'elle aura intégrée de son vivant. Ce qui fait en sorte que l'individu a un rapport totalement différent par rapport au processus du vieillissement. Et ce qui enlève de la souffrance à l'égard du processus du vieillissement, c'est le fait de ne pas le réfléchir et de l'émotiver. Donc, autrement dit, si l'individu constate que son corps physique vieillit et ne donne pas de l'importance à des entités astrales qui lui insufflent des pensées dans son intellect, à savoir « c'est pas drôle, je vieillis, c'est pas drôle, je change, c'est pas drôle, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est triste de vieillir, blablabla. » Si il n'émotive pas le processus de vieillissement et ne se sent pas victime de ce dernier, donc il ne ressent pas de tristesse, etc., c'est rapportant, à ce moment-là, son mental demeure intact en dépit du fait que son corps physique change. Donc, autrement dit, il reste avec un mental intact au niveau de la vibration en dépit du fait que la forme change. Par conséquent, à mesure que l'individu qui se conscientise intègre la vibration mentale dans sa psyché, à mesure que l'individu est en mesure de faire face au processus de vieillissement naturel du corps physique en étant capable de le constater et de le gérer avec intelligence. Parce que plus qu'il intègre de l'intelligence de l'esprit, moins il a nécessairement besoin du support de ses sens physiques pour être en mesure de fonctionner dans la réalité. Donc, autrement dit, à mesure que ses sens, que ce soit le goût, l'odorat, la vue, qui vont se dégrader au fil du temps, perdent de leur capacité, si en contrepartie, la liaison psychique de l'individu avec le plan mental gagne en capacité, eh bien, à ce moment-là, il perd sur un certain plan au niveau de la forme, au niveau de l'intelligence intellectuelle, au niveau des sens physiques, mais simultanément, il fait des gains au niveau de l'intelligence vibratoire et au niveau de son sens psychique de télépathie, d'intuition, de capacité de communication télépathique avec l'esprit, qui lui donne accès à des informations qu'il n'avait pas alors qu'il était jeune. Donc, autrement dit, il peut vivre des pertes sur un certain plan, mais faire des gains sur un autre. Et le fait d'être en contact avec l'esprit peut l'aider à vivre ce processus avec beaucoup plus d'aisance que s'il n'était pas en contact avec lui d'une manière volontairement consciente. L'individu qui est conscient ne se sent pas victime du processus de vieillissement, mais se voit plutôt comme étant un être qui est appelé à composer intelligemment avec ce dernier s'il a à vivre avec ce dernier. Donc, autrement dit, il voit ce processus comme étant un élément avec lequel il doit composer, plutôt que de tenter de le nier, de le rejeter et d'être en réaction émotive à son égard.